Exercice 1. Bon contact. Il aura répondu. 1. Nous nous serons réunis. 2. Vous avez accepté. 3. On aura discuté. 4. Elles se sont téléphonées. 5. Vous vous serez mis d'accord. 6. Tu auras compris.